L'archéologue le plus populaire, vous le savez, c'est celui avec son fouet et son chapeau. Est-ce un hasard s'il est aussi ce célèbre pilote de vaisseau spatial rebelle dans une autre saga de space opéra? Bref, quand archéologie et espace se rencontrent, ça ne donne pas forcément Harrison Ford. Ça donne une discipline captivante dont l'ambition est de fouiller les recoins de l'univers à la recherche des restes des tout premiers instants du cosmos. Des étoiles très anciennes, aujourd'hui disparues, mais dont on peut deviner les traces fossiles, soit très loin dans l'espace et dans le temps, soit au contraire dans notre galaxie tout proche de nous. Enfilez votre chapeau, attachez votre ceinture, nous allons remonter aux origines de l'univers. Archéologie galactique, les antiquités de l'espace, c'est le programme fossile qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous accompagner dans ce voyage archéologique aux origines de l'univers à la rencontre des toutes premières étoiles, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vanessa Hill. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Avril, de la Côte d'Azur, pardon. Et eh bien Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. Ça n'est donc pas une erreur, ça n'est pas un gag, vous êtes bien mon homonyme, je suis le vôtre. Vous êtes astronome chargé de recherche à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Sachez qu'il y a aussi le maire de la ville de Mons en Belgique qui s'appelle Nicolas Martin, un champion de combiné nordique et certainement beaucoup d'autres. Mais tel n'est pas notre sujet du jour, on commence par celle qui est unique. Natacha Triou, s'il y a d'autres Natacha Triou, qu'elle se signale maintenant d'ailleurs. Elle se taise à jamais. Bon non, elle peut continuer à vivre quand même, Natacha, du calme. Allez, c'est le journal des sciences. Et on commence avec le sujet de ce journal. Une méga comète est en train de traverser notre système solaire. Et en 2014, des astronautes ont débusqué, par hasard, dans des images d'archives du télescope Victor M. Blanco au Chili, l'objet 2014 UN 271. Des observations récentes viennent de montrer que son orbite est extrêmement elliptique, très allongée, et que cette comète nous arrive des fins fonds du système solaire, du nuage d'Oort. Actuellement, elle est à 3 milliards de kilomètres de la Terre et elle sera au plus proche de nous en 2031, lorsqu'elle rejoindra l'orbite de la planète Saturne à 1,5 milliard de kilomètres de nous. Alors la particularité de cet objet, sa taille. Malgré sa distance, sa brillance actuelle indique que la taille de son noyau serait de 100 à 360 kilomètres de diamètre. Alors la plus grosse comète observée dans le système solaire, c'est Elbop en 1998, avec son noyau de 50 kilomètres de diamètre. On est donc presque dans la catégorie des planètes naines, puisque la taille minimale c'est 500 kilomètres de diamètre. Et c'est probablement le plus grand objet du nuage d'Oort jamais découvert. Emmanuel Jeun est astrophysicien et maître de recherche à l'Université de Liège. Petite particularité également, c'est que contrairement aux nombreuses comètes qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel, cet objet ne va jamais se rapprocher très près du Soleil, ni de la Terre d'ailleurs, puisque son périhélie, c'est-à-dire sa distance la plus proche du Soleil, sera environ l'orbite de Saturne, donc encore très loin, et donc ne va pas devenir un objet très brillant dans le ciel que l'on pourra voir à l'œil nu, puisqu'il restera, même au plus proche, quand même relativement loin de notre Soleil. La première chose qu'on va essayer de déterminer avec les grands télescopes, les plus grands télescopes du monde, c'est de voir si il y a une activité. Donc si on peut détecter en effet ce qu'on observe typiquement quand une comète devient active, c'est-à-dire un dégazage de certaines espèces chimiques, notamment à cette distance qui est encore grande du Soleil, les glaces d'eau ne vont pas encore sublimer, donc elles ne vont pas dégazer du noyau, mais ce sont plutôt les glaces de monoxyde de carbone et dioxyde de carbone qui doivent être en train de s'échapper. Si c'est le cas, ça va entraîner, donc ce gaz va entraîner des poussières également dans l'espace pour former l'atmosphère de la comète, et c'est ce qui va essayer d'être détecté dans les jours prochains, justement pour caractériser son activité et confirmer qu'il s'agit bien d'une comète, et donc être plus précis également sur sa taille. Si ça se confirme, malgré tout, c'est quand même un objet très intéressant, même s'il va rester loin du Soleil, s'il est aussi gros que ce qu'on est en train d'observer, il pourrait donc permettre de détecter des espèces gazeuses à cette grande distance qui n'a pas encore pu être fait jusqu'à présent. Donc c'est un objet, en tous les cas, très intéressant, très rare, puisque on a jusqu'à aujourd'hui jamais observé un objet de cette taille, à cette distance. Voilà, et comme tous les jours, vous pouvez retrouver les études que nous évoquons à ce micro sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Une étude parue dans la revue Nature Biomedical Engineering décrit de nouveaux implants cérébraux capables de soulager la douleur. Il s'agit d'une recherche très expérimentale menée sur des souris. Des chercheurs américains ont créé ce qu'ils appellent une interface cerveau-machine en boucle fermée. Ils ont implanté sur des souris deux réseaux d'électrodes dans deux régions cérébrales, avec un premier réseau capable de détecter la douleur et un second qui la soulage. Les expériences ont montré que le système fonctionne en temps réel et qu'il inhibe efficacement la douleur. Alors nous sommes encore loin de développer des implants antalgiques. Le fonctionnement cérébral de la douleur est plus complexe chez l'humain que chez les rongeurs, mais cette étude est preuve de concept. Selon une étude parue dans la revue Icarus, les plaques rouges à la surface de Pluton sont toujours aussi mystérieuses. On pensait que ces plaines rougeâtres étaient produites par des tolines, cette étrange substance organique plus ou moins azotée qui colore en brun, en ocre, de nombreux objets de notre système solaire. On en trouve sur Cérès, Europe, Titan et Pluton. Alors grâce aux données de la sonde New Horizon, une équipe hollandaise a reconstitué en laboratoire la composition de l'atmosphère de Pluton. Ils ont ainsi créé des tolines de synthèse. Mais ces tolines artificielles ne réfléchissent pas la lumière comme prévu. Pour l'instant, nous ne savons toujours pas quel type de matériaux colore Pluton en rouge. Et enfin, selon une étude parue dans The Journal of Neuroscience, les corbeaux, mes animaux totems, peuvent comprendre le concept de zéro. Encore une preuve de l'intelligence des corvidés. Une équipe allemande a mené plusieurs expériences avec des corbeaux. Ils devaient observer sur un écran sur lequel s'affichaient 4 points ou parfois aucun. Les chercheurs observaient aussi leur activité neuronale. Il se trouve que les corbeaux possèdent effectivement des neurones spécifiques qui s'allument à zéro. Alors non seulement ces oiseaux comprennent le zéro en tant que conception du rien, de l'absence de toute quantité, mais ils peuvent aussi distinguer le zéro des autres nombres dénombrables. Alors les corbeaux en rejoignent donc les abeilles et les macaques rhésus, dont les animaux capables de conceptualisation numérique abstraite. Voilà, si comme moi vous êtes passionné des corbeaux, on va vous remettre le lien vers l'émission que nous leur avions consacrée il y a quelques mois de cela. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. L'univers a 13,8 milliards d'années, peu ou prou, notre Voie lactée 13,5, notre système solaire seulement, entre guillemets évidemment, 4,5. Comment de notre position dans le temps et dans l'espace retrouver les traces de l'univers primordial, des toutes premières étoiles, celles qui se sont allumées entre 400 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang, dans la période qu'on appelle la rayonisation? Parce que ces premières étoiles étaient différentes de notre Soleil et de la majeure partie des étoiles que nous observons aujourd'hui, beaucoup plus grosses, donc avec une durée de vie beaucoup plus courte, de quelques millions d'années tout au plus, et elles n'étaient composées que des éléments qui existaient à cette époque dans l'univers reculé, à savoir l'hydrogène et l'hélium, et c'est à peu près tout. Puisque tous les autres éléments ont été créés par nucléosynthèse au cœur des étoiles et de ces étoiles-là, comment en retrouver la trace, comment les étudier, comment comprendre avec elles ces premières phases de formation d'étoiles et de galaxies, la réponse est en faisant de l'archéologie galactique, en allant sonder l'univers en quête de traces fossiles de ces toutes premières étoiles. Et pour cela, les astrophysiciennes et les astrophysiciens disposent d'un outil précieux depuis 2013, c'est le satellite Gaïa et c'est notre archive du jour. En route vers les étoiles, le télescope Gaïa a décollé ce matin de Kourou en Guyane, à bord d'une fusée Soyouz russe. Gaïa va explorer les milliards d'étoiles de notre galaxie et en dresser une carte précise. Gaïa voit tout, on pourrait même l'appeler œil de lynx, Sophie Becherel. Oui, c'est le télescope spatial le plus performant jamais construit par les Européens pour remplir cette mission qui consiste à établir un atlas de notre galaxie. Gaïa va donc pointer ses yeux de lynx vers 1 milliard d'étoiles, des plus brillantes aux plus discrètes, 400 000 fois moins brillantes que ce que l'œil humain peut voir. La distance, la brillance, mais aussi la composition chimique de ces étoiles. Gaïa est en fait bien outillé pour faire cette carte en 3D, mais aussi de l'archéologie, c'est-à-dire comprendre comment s'est façonnée notre Voie lactée au cours des 12 milliards d'années passées. Car la Voie lactée n'a pas toujours eu l'allure d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'une pizza avec des bras en forme de spirale. Pour en arriver là, il y a eu l'effet de la gravitation, mais aussi des orgies galactiques, c'est-à-dire que la Voie lactée a phagocyté d'autres galaxies en tournant sur elle-même. Faire le film des événements, voilà ce qu'on attend de Gaïa, nous explique Frédéric Arénoux, chercheur au CNRS. Si on réussit à mesurer les positions et les vitesses des étoiles, on peut reconstituer leur orbite dans le passé. Donc revenir voir à quel endroit elles ont pu se former. Si en plus on a la composition chimique, on peut essayer de trouver des groupes qui ont une composition chimique homogène et qui se sont formés à un certain endroit. De la même façon qu'on utilise l'ADN maintenant pour faire de la généalogie, pour voir comment ont migré les populations, eh bien là on utilisera la composition chimique d'un côté, les orbites des étoiles de l'autre pour pouvoir reconstituer à quel endroit elles ont pu se former. Voilà, le télescope a 5, peut-être 6 ans pour réaliser cette mission. Les 400 scientifiques impliqués en attendent une réelle révolution dans leur discipline. Ils sont donc ravis du succès de cette première étape, le lancement ce matin. Voilà, c'était un extrait du journal de France Inter. Alors, la révolution est-elle advenue, Nicolas Martin, grâce à Gaïa dans l'archéologie galactique? Ah oui, tout à fait, on est en train de vivre vraiment une révolution. C'est un terme qui est un peu galvaudé, mais que dans ce cas-là, on peut vraiment l'utiliser. Tous les 20 ans, 30 ans, peut-être, on a ce genre de révolution. On peut voir de manière très précise la position des étoiles. Alors, ça semble simple, la position des étoiles, mais si on peut voir la position des étoiles de manière extrêmement précise plusieurs années de suite, en fait, on peut mesurer le mouvement d'une étoile. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque quand on essaie d'étudier le ciel. On ne sait pas si une étoile, par exemple, est proche de nous ou elle est loin. Si on peut regarder son mouvement, on peut déterminer sa parallaxe et connaître sa distance. Et en même temps, on peut mesurer sa vitesse sur le ciel. Et ça permet de nous renseigner, par exemple, si une étoile est en train de se balader dans le disque de notre Voie lactée, reste dans ce plan, dans ce, je ne sais plus quelle métaphore avait cette pizza. Une pizza, oui. De la Voie lactée, ou si ce sont des étoiles qui ont des orbites qui peuvent être perpendiculaires ou aller un peu dans tous les sens et qui sont plutôt caractéristiques d'étoiles qui ont appartenu, par exemple, à une petite galaxie naine qui est tombée sur la Voie lactée, qui a été déchiquetée par les forces de marée, les forces de Newton de la Voie lactée, et qui ont laissé ces galaxies naines, ont laissé leurs étoiles dans ce qu'on appelle le halo de la Voie lactée. Et avec Gaïa, on peut commencer à vraiment remettre ensemble dans les petites boîtes les étoiles qui appartiennent à la même structure stellaire dans le halo de la Voie lactée. Et à reconstituer l'orgie, pour utiliser l'autre métaphore utilisée par ma camarade Sophie Bécherel. Vanessa Hill, un mot peut-être sur cette archive et sur ce qu'a changé effectivement Gaïa à la pratique de ces fouilles archéologiques à l'échelle cosmologique. En effet, Gaïa a vraiment changé beaucoup notre vision de non seulement de à quoi ressemble notre galaxie aujourd'hui. Hein, ce qui était bien redit dans cette archive, c'est que on va pouvoir, on voit pour la première fois pour un milliard d'étoiles, non seulement comment où sont les étoiles sur le ciel, mais à quelle distance elles sont de nous, donc ce qui nous permet de reconstituer une Voie lactée vraiment en trois dimensions et avec ses vitesses. Mmh. Et en fait, en pratique, ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis de mettre à jour en fait certaines de ces orgies qui ont eu lieu, et en particulier probablement la dernière orgie la plus significative d'un système qu'on a appelé Gaïa Insaladus ou la saucisse Gaïa, suivant à quel groupe on appartient. C'est la fête des métaphores aujourd'hui. C'est la fête des métaphores. Et donc, qui a permis de mettre en lumière cette dernière accrétion sur notre Voie lactée, dont on n'avait absolument pas l'idée avant le satellite Gaïa. Alors, on reviendra tout à l'heure, dans la deuxième partie, sur la Voie lactée à proprement parler, et sur ces fusions galactiques. J'aimerais que vous me racontiez peut-être l'un et l'autre, Nicolas Martin, pour commencer, ce que c'est, comment est apparu ce concept d'archéologie galactique. Parce que, finalement, quand on pense à l'astronomie, c'est regarder les étoiles de l'univers, regarder les étoiles, c'est regarder le passé, donc c'est d'ores et déjà faire un peu d'archéologie. Quelle est la différence finalement entre une pratique classique d'observation de l'univers et la pratique précise de l'archéologie galactique? Alors, si on veut connaître l'univers quand il était très très jeune et les toutes premières structures, les toutes premières étoiles de l'univers, on a deux solutions. La première, c'est d'aller utiliser les plus grands télescopes et d'aller regarder le plus loin possible. Et plus on regarde loin, comme la lumière met un certain temps à nous parvenir, plus on regarde jeune dans l'âge de l'univers. Et avec les télescopes à venir, comme le télescope James Webb qui va partir dans l'espace, si on a de la chance d'ici la fin de l'année, un jour, espérons d'ici la fin de l'année peut-être. Mais bon. Ou le grand télescope de plus de 30 mètres de diamètre qui est en train d'être construit par le télescope, par l'observatoire australo-européen au Chili, un télescope de 39 mètres de l'ELT, voilà, c'est ça. 39 mètres de diamètre. On pourra voir très très profond dans l'univers et donc on verra les galaxies quand elles se forment au tout début de l'âge de l'univers. C'est très difficile de faire ça. Et le problème, c'est qu'en fait, on voit une tache de lumière sur les images qu'on peut obtenir. C'est très difficile de caractériser quelles sont les premières galaxies de cette façon-là, même si on avance. L'autre façon, c'est de dire, OK, les premières étoiles qui se sont formées, peut-être que les toutes premières, elles ont, comme vous avez dit, elles ont explosé très rapidement, elles sont plus disponibles. Par contre, les deuxièmes, troisièmes générations d'étoiles, peut-être qu'elles sont encore dans notre entourage, elles ont vécu suffisamment longtemps, plus de 13,8 milliards d'années, et elles sont encore observables aujourd'hui. Et donc, on cherche ces étoiles qui sont extrêmement anciennes. Le problème, c'est que l'âge, c'est très difficile à mesurer sur une étoile, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait que les premières étoiles, elles vont avoir très très peu d'éléments chimiques. Ouais. Au début de l'âge de l'univers, il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium, et les éléments se produisent petit à petit dans les générations successives d'étoiles. Donc on cherche des étoiles comme ça qui sont très peu enrichies en métaux, très peu polluées. Mmh. On va rediscuter là aussi de ces étoiles. Un mot tout de même, Vanessa Hill, sur cette notion d'archéologie galactique. Quand est-ce qu'on commence finalement à parler d'archéologie galactique? Est-ce que c'est justement avec l'apparition des outils qui permettent de commencer à scruter l'univers profond dont on dispose que depuis finalement assez peu d'années, en fait? Moi, je pense que le concept, je me souviens pas en fait qui a mis au bout du jour cette comparaison avec l'archéologie, mais en fait c'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis assez longtemps quand même, puisque justement le principe de l'archéologie galactique, c'est de se souvenir que les étoiles de petite masse qui sont nées il y a très longtemps sont encore très proches de nous, vivantes dans les environs de notre système solaire. Donc en fait, on peut commencer à faire de l'archéologie galactique avec des moyens relativement limités, à travers ce que Frédéric Arenoux dans le document tout à l'heure faisait une analogie avec la génétique. Donc en fait, on se sert de propriétés de ces étoiles qui sont finalement proches de nous et faciles à observer pour déduire des choses sur l'univers il y a très très longtemps. Mmh. Mais encore faut-il repérer que ces étoiles sont des étoiles très anciennes, et c'est là que l'on rentre dans le dur de l'archéologie galactique, et c'est ce dont nous allons parler dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc d'archéologie galactique avec Vanessa Hill et un autre Nicolas Martin. Peut-être est-il bon d'ailleurs, et peut-être qu'on peut faire un petit rappel chronologique en quelque sorte, Nicolas Martin, si vous voulez bien, sur justement le début de l'univers. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment s'allument ces premières lumières, ces toutes premières étoiles? Dans quelles circonstances? Vous pouvez nous refaire un petit calendrier, une petite chronologie comme ça, mémorielle? Alors au tout début, on a le Big Bang, mythique, le Big Bang, avec cette création d'éléments, une soupe de matière qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir autour de nous à l'heure actuelle. Il faut attendre à peu près 200 à 300 000 ans pour que les premières étoiles se forment. Ces étoiles très très très massives qui contiennent comme que des éléments au début de l'univers, c'est-à-dire de l'hydrogène, de l'hélium, qui sont extrêmement massives. Elles peuvent se former de masses extrêmement importantes, et on pense qu'en fait il est impossible que, quand il n'y a que ces éléments qui sont présents, que de petites des étoiles de petite masse comme le Soleil se forment en fait. Quand vous dites extrêmement massives, pour avoir un point de comparaison par rapport à l'échelle de notre Soleil, c'est quoi? C'est 100, 1000, 10 000 fois? 100 à 1000 fois, c'est ce qu'on voit généralement dans les modèles. Certains modèles extrêmes arrivent à descendre à quelques masses solaires. D'autres modèles vont jusque 10 000 masses solaires. En fait, faut être honnête, tout ça, c'est des modèles, et on manque d'observations avec lesquelles comparer ces modèles-là, parce que on ne peut plus observer ces étoiles-là. Tout ce qu'on peut observer, c'est ces étoiles quand elles vont exploser après quelques centaines de millions d'années. Il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'elles émettent énormément de photons qui vont faire ce qu'on appelle rayonniser l'univers et rendre l'univers visible. C'est-à-dire que les photons lumineux, au bout d'un moment, ils vont saturer tous les éléments qui sont présents dans l'univers et ils pourront passer au travers. Et c'est comme ça qu'on commence à voir, on peut commencer à espérer voir les premières structures de l'univers. Et puis la deuxième chose qui se passe, quand ces étoiles explosent très très rapidement, elles ont formé au cours de leur vie, même très courte, des éléments chimiques plus avancés, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, etc. C'est la nucléosynthèse. Voilà, exactement. Et elles vont redonner ces éléments-là à l'environnement, c'est-à-dire le gaz interstellaire qui va ensuite former les prochaines générations d'étoiles. Donc si on veut essayer de remonter aux propriétés de ces toutes premières étoiles, en fait, il faut aller observer les deuxième, troisième générations d'étoiles qui ont été, dont leur matière a été impactée par les propriétés de ces toutes premières étoiles. Et donc, inférer en remontant la chaîne ce qu'ont pu être ces toutes premières étoiles. Un mot encore peut-être, Vanessa Hill, sur cette chronologie cosmologique. Nicolas Martin le disait à l'instant, on en a parlé, les auditrices et les auditeurs qui sont un peu familiers avec l'astronomie et l'astrophysique doivent le savoir, le fond diffus cosmologique, c'est 380 000 ans après le Big Bang. Ensuite, on parle des âges sombres et la rayonisation qu'évoquait Nicolas Martin, c'est à partir de 400 millions d'années. Qu'est-ce qui se passe entre le fond diffus cosmologique et ce début d'univers visible, c'est-à-dire à ce moment où on commence finalement à voir quelque chose et à voir ses premières lumières? Ben, il se passe exactement ce que Nicolas évoquait, c'est-à-dire la rayonisation, et les sources de cette rayonisation sont tout à fait liées aux objets que l'on cherche à caractériser avec l'archéologie galactique, c'est-à-dire ces étoiles probablement très massives dont on n'a pas de formation contemporaine dans l'univers d'aujourd'hui. Mmh. Et oui, donc ce sont des sources extrêmement importantes pour comprendre justement la rayonisation de l'univers, comprendre aussi comment est-ce qu'il, sur quelle durée cette rayonisation s'est déroulée et à quel point est-ce qu'elle a été homogène ou pas dans l'ensemble de l'univers, etc. Alors, je vais vous reposer la question d'une autre façon. Pourquoi est-ce qu'on ne voit rien avant 400 millions d'années? Alors, c'est pas tout à fait mon domaine, hein. Je veux pas dire de bêtises. Je suis sûr que vous n'allez pas dire de bêtises. Les photons qui sont émis des étoiles rencontrent de la matière. Cette matière est neutre et donc ces photons ionisent la matière. C'est pour ça qu'il y a ce terme rayonisation. C'est-à-dire qu'ils arrachent des électrons. C'est le contraire. Là, c'est l'inverse. Les photons vont percuter des électrons. Les électrons vont être les photons sont absorbés. Donc l'énergie du photon est absorbée. L'électron va changer de niveau d'énergie. Exactement. Et du coup, ce photon, puisqu'il est absorbé, il va pas aller plus loin. Et donc on verra rien. C'est-à-dire que très rapidement, la matière étant neutre, la matière, il faut un certain temps pour qu'elle s'ionise et pour que les photons puissent passer à côté de la matière en disant « Ok, c'est bon, celle-là, elle est ionisée, celle-là est ionisée, je ne peux pas interagir avec ces particules-là. » Et donc, c'est cette étape de réionisation qui a lieu au cours du premier, enfin, entre le premier demi et le premier milliard d'années, on ne sait pas exactement non plus. Même si on a une bonne idée de l'époque à peu près, la manière dont ça se passe est assez inconnue. Et puis surtout, c'est un phénomène qui s'appuie sur une chose que je voulais rappeler, c'est parce que Vanessa et moi on adore les étoiles, mais c'est que les étoiles elles se forment pas toutes seules, elles se forment dans des galaxies, dans des premières proto-galaxies. Et donc ces premières proto-galaxies, c'est ça qui va réioniser l'univers. Et on essaye de avec les moyens à venir, les moyens observationnels à venir, on va essayer de voir ces toutes premières galaxies. Une galaxie comme la Voie lactée au tout début de l'âge de l'univers, elle est beaucoup beaucoup beaucoup plus petite. Et c'est au cours du temps, dans les premiers milliards d'années, qu'elle absorbe de nombreuses petites autres galaxies par gravité et forme ce qui deviendra à terme notre Voie lactée. Mm-hmm. Vanessa Hill, un mot peut-être pour compléter cela. En fait, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui où on sait dater la formation des premières étoiles dans ces âges sombres, c'est-à-dire ces étoiles auxquelles qu'on ne pourra jamais voir, même si on augmente nos capacités technologiques? On a des modèles qui nous donnent des ordres de grandeur pour cette première formation, mais on n'a pas disons de confirmation observationnelle et les valeurs qu'on a sont relativement sont des ordres de grandeur quoi. On sait que c'est on parle en centaines de millions d'années mais on ne sait pas si c'est 200, 300, 400 il y a énormément d'incertitudes là-dessus parce que ça dépend beaucoup des modèles en fait des premiers âges de l'univers qui sont eux-mêmes encore extrêmement débattus. Et alors du coup autre question Nicolas Martin, c'est ces proto-galaxies, là aussi en fait pour le moment il y a quand même beaucoup beaucoup de points d'interrogation, on ne sait pas vraiment exactement comment elles apparaissent, comment elles se constituent. On sait ensuite comment proto-galaxies plus proto-galaxies ça finit par faire les galaxies qu'on connaît, mais ces tout premiers embryons de galaxies, on est assez désarmés encore à l'heure où on parle. On pense savoir comment elles se mettent en place. La structure de l'univers, c'est la matière noire qui est présente partout, qui forme les premières structures. Et il y a, je rappelle qu'il y a 5 fois plus de matière noire que de matière baryonique, c'est-à-dire les étoiles, le gaz, vous, moi, les Nicolas Martin. Bientôt la citadelle. Voilà, exactement. Et c'est cette matière noire, en fait, qui attire tout le reste par gravité. Il y en a tellement qu'elle attire tout le reste. Et c'est comme ça que se forment les premières structures. La première trame de l'univers, ce sont ces grandes structures de matière noire dont on voit à l'heure actuelle les restes sous la forme de grands filaments, et quand les grands filaments s'intercroisent, c'est là qu'on a des groupes de galaxies ou des amas de galaxies, l'amas de Virgo par exemple, qui est en train de se former, et c'est le long de ces filaments que coulent par gravité, en fait les petites galaxies sont absorbées par la grosse qui est à l'intersection des filaments, et ça c'est un processus qui a lieu constamment dans l'univers. Alors du coup, si on parle de ces premières étoiles très lointaines, et on reviendra tout à l'heure à celles qui sont finalement très proches et que l'on peut observer ou dont on peut observer des traces dans notre Voie lactée. Mais aujourd'hui, Nicolas Martin, quelles sont les traces fossiles que l'on cherche? C'est quoi un fossile d'étoile primordiale? En fait, pour moi, il y a deux types de fossiles qu'on cherche dans l'archéologie galactique. Le premier, c'est les restes des galaxies qui ont été au cours du temps absorbées par notre Voie lactée. La métaphore est assez bien faite par rapport aux dinosaures. On va chercher les restes des dinosaures. Là, on va chercher les restes de groupes d'étoiles qu'on va trouver autour de notre Voie lactée, qui sont le testament d'une petite galaxie qui a été absorbée par notre propre galaxie. Ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième, c'est effectivement d'essayer de chercher les étoiles les plus anciennes. Là encore, la métaphore est bien trouvée par rapport à la recherche de fossiles. On va chercher dans la Terre, il y a plein de terres qui nous intéressent pas, et puis par endroits, des endroits particuliers sur la Terre, et si on cherche bien, on va trouver des fossiles qui vont nous renseigner sur ce qui a eu lieu avant. Et donc on peut trouver comme ça des étoiles qui sont tellement anciennes qu'elles tracent les structures qui ont existé par le passé. Vanessa Hill, c'est là où on s'intéresse à ce que vous évoquiez l'un et l'autre tout à l'heure, c'est-à-dire à la question de la métallicité. On entend par métallicité tout élément atomique qui est au-delà de l'hélium. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour détecter la métallicité d'une étoile? Est-ce qu'on en trouve beaucoup? Quels sont les outils que vous utilisez, les méthodes que vous utilisez, que vous employez aujourd'hui pour repérer ces étoiles extrêmement anciennes? Alors ces étoiles extrêmement anciennes, comme le mentionnait Nicolas juste avant, hein, il y a beaucoup de terre et pas beaucoup de fossiles. Donc il faut en fait regarder beaucoup d'étoiles pour avoir une chance de trouver d'en trouver une qui soit vraiment réellement ancienne. Alors ce qu'on cherche effectivement, c'est à identifier les étoiles les plus primitives. Et comme l'âge d'une étoile est extrêmement difficile à mesurer de manière certaine, en fait on la mesure pas vraiment, on l'infère, cet âge. On se sert d'une quantité qui elle, on peut mesurer avec beaucoup plus de certitude à travers le spectre de rayonnement d'une étoile, qui est sa composition chimique, et donc ce que nous appelons les métaux ou la métallicité, c'est-à-dire, comme vous le rappeliez, tous les éléments chimiques qui sont plus lourds que hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore. Et en fait, donc, on a à notre disposition tous les outils qui sondent le spectre électromagnétique de la lumière qui sort d'une étoile. Et la plus basique, disons, on peut déjà regarder les couleurs des étoiles. Et si on choisit bien les filtres dans lesquels on regarde les couleurs des étoiles, on peut en déduire un certain nombre de choses sur, alors d'abord, leur température, puisque une étoile émet essentiellement en fonction, disons, elle est plus bleue si elle est plus chaude et plus rouge si elle est plus froide. Mais au deuxième ordre, en plus de cette signature de la température, il y a aussi une signature qui est liée directement aux éléments chimiques qui sont présents dans l'atmosphère de l'étoile. Et donc, au premier ordre, on va faire ça avec des couleurs. Et évidemment, le Saint Graal, c'est de regarder le spectre électromagnétique à travers un spectrographe, c'est-à-dire décomposer la lumière de manière extrêmement précise en fonction de sa longueur d'onde. Et là, on va commencer à voir arriver en fait des signatures précises de chacun des éléments atomiques ou moléculaires dans dans l'atmosphère des étoiles. Et c'est le principe général, hein, c'est que la lumière émise de l'étoile est absorbée dans les couches externes de l'étoile qu'on appelle l'atmosphère, à des longueurs d'onde ou des fréquences spécifiques qui sont liées à l'élément chimique particulier qui est en train d'absorber. Et donc en pratique, ce qu'on voit, c'est que dans le spectre de lumière, on va voir des manques de lumière qui correspondent à des absorptions là où il y avait une absorption spécifique par un élément. Et en fait, en mesurant quantitativement combien est-ce qu'il manque de lumière à certaines longueurs d'onde, on remonte directement à la composition chimique quantitative de l'étoile. Et donc les méthodes actuelles pour essayer d'identifier les étoiles les plus primitives, elles sont souvent une combinaison en fait entre ces deux approches, les approches plus basées sur des couleurs. Donc on a essayé de fabriquer des filtres qui sont de mieux en mieux adaptés à la mesure de métallicité. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à faire un premier tri, on regarde avec de la spectroscopie qui nous permet d'affiner vraiment les signatures chimiques sur la surface de ces étoiles. Mmh. Alors deux questions pour compléter et bien comprendre ce que vient de nous expliquer Vanessa Hill, Nicolas Martin, c'est que d'une, vous nous avez dit l'un et l'autre que ces étoiles primordiales, elles étaient très loin, donc ça veut dire qu'elles sont très peu brillantes ou qu'on en a finalement des perceptions très, très difficiles ou en tout cas très grossières. Donc comment est-ce qu'on arrive à les identifier sur un relevé, par exemple, sur les grands relevés d'étoiles dont on dispose? Et deux, vous nous avez aussi dit que ces étoiles, elles n'avaient vécu que quelques millions d'années. Donc comment se fait-il qu'on arrive encore à les percevoir? Et je ne parle pas de celles qui sont dans notre Voie lactée, je parle de celles que l'on cherche très très loin dans l'espace et donc dans le temps. Alors, si on va les chercher très très loin dans l'espace et donc dans le temps, on n'arrivera pas à mesurer une seule étoile toute seule. Ce qu'on va mesurer, c'est la formation d'une galaxie, une galaxie qui est en train de se former, de s'assembler, avec toutes ces étoiles qui sont en train d'illuminer l'univers à cet endroit-là. C'est ça qu'on peut espérer observer, c'est-à-dire avoir une vision statistique de ces étoiles. On verra jamais ces étoiles individuellement, enfin je pense pas de notre vivant. Mais l'avantage, quand on va regarder très loin, c'est que l'univers est vaste, donc on peut construire des statistiques qui sont vraiment très poussées. Alors bien sûr, les grands télescopes vont pas aller observer tout le ciel, ce sera impossible, mais on peut espérer aller observer plusieurs zones qui peuvent contenir ces galaxies très très très anciennes. Je pense qu'il faut venir proche de nous pour aller trouver pas ces premières étoiles qui sont effectivement mortes très rapidement, enfin qui ont explosé très rapidement, que redonner leurs éléments à l'environnement, mais pour aller peut-être trouver les étoiles de deuxième, troisième génération, il faut effectivement aller regarder proche de nous. Et ce que disait Vanessa est tout à fait correct, hein, la couleur nous renseigne beaucoup sur ce que contient une étoile, ce qu'est une étoile. Le problème, c'est qu'il y a une dégénérescence très forte entre sa quantité de métaux, sa métallicité, sa distance et son âge. Et ces trois paramètres-là sont très difficiles à décorréler les uns des autres. Et c'est là que Gaïa, pour revenir à ce qu'on disait au début, devient très important, parce que Gaïa peut nous donner la distance d'une étoile. Et si on a sa distance et qu'on a sa couleur, on peut beaucoup plus facilement déterminer si cette étoile est effectivement très ancienne, finalement si elle a été produite très récemment et qu'elle est bleue, non pas parce qu'elle a peu de métaux, mais qu'elle est bleue parce qu'elle est jeune, par exemple. Et donc c'est comme ça qu'on peut arriver à vraiment réduire au maximum l'échantillon d'étoiles qui nous semble intéressante, et non pas avoir des millions d'étoiles sur le ciel qu'on voudrait observer, mais se ramener à quelques dizaines de milliers peut-être. On va continuer à discuter de l'archéologie galactique et de ces toutes premières étoiles. Vous allez voir que on peut en trouver assez proche de nous, puisque comme je l'évoquais au tout début de cette émission, si l'univers a 13,8 milliards d'années, la Voie lactée a 13,5 milliards d'années, donc on a dans notre galaxie certaines de ces étoiles très très anciennes. On va essayer de comprendre comment les identifier, comment les repérer, comment leur faire raconter leur histoire et donc l'histoire de notre univers. Plastic keys, pressed one by one, thoughts and words traveled far, blown. De Jekyll Wood à 16h35 sur France Culture, comme depuis quasiment toute la saison, en soutien à la scène musicale indépendante française et à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons d'archéologie galactique tout au long de cette heure en compagnie de Vanessa Hill, qui est directrice de recherche au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, et Nicolas Martin, qui est astronome homonyme et chargé de recherche à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Du côté donc des méthodes d'observation de ces traces fossiles de l'univers primitif, l'autre piste que l'on évoquait tout à l'heure est d'étudier les étoiles les plus anciennes dans notre propre voisinage galactique. Une équipe vient d'ailleurs d'en identifier une très récemment. Ça se passe au département Galaxie, Étoiles, Physique et Instrumentation de l'Observatoire de Meudon. Et c'est là que vous êtes rendu, Céline Nozène. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bon retour en studio. Mais oui, ça fait plaisir de vous revoir en vrai. Oui, donc vous évoquez vraiment une prouesse archéologique dans le sens où ces étoiles très anciennes sont extrêmement rares et donc difficiles à trouver. Leur composition est à l'image de l'univers jeune, c'est-à-dire essentiellement faite d'éléments légers, de l'hydrogène, de l'hélium et puis c'est tout. On dit qu'elles ont une très faible métallicité, comme vous l'avez dit, car contrairement à la plupart des étoiles, elles sont quasiment dénuées d'oxygène, de calcium, de fer, etc. Alors, pour sonder ces étoiles anciennes, on peut en tout cas fouiller aussi du côté de chez nous, dans la Voie lactée. Pier Carlo Bonifacio et son équipe, dont vous faites partie Nicolas Martin, grâce au télescope Canada-France-Hawaï, ont exhumé une telle étoile. Elle s'appelle Pristine 221 et cette étoile très spéciale devrait nous aider à mieux comprendre la formation de notre galaxie. Ici à l'Observatoire de Paris, il y a l'équipe première étoile. Donc la question est, les étoiles de très vaste métallicité, tous les éléments qui ne sont pas l'hélium et l'hydrogène sont des métaux. Et donc cette parole de métallicité qui dont les contenus des éléments, disons, comme le fer, l'oxygène, etc. Donc ces étoiles sont forcément rares. On parle des étoiles qui ont un millième, un dix millième, un cent millième de l'abondance du Soleil. Donc vous avez essentiellement trois stratégies pour trouver les étoiles qui sont les plus pauvres en métaux. La première stratégie est de faire des relevés avec des spectres à basse résolution, mais suffisants pour vous permettre de présélectionner les étoiles qui sont très pauvres. En gros, dans le spectre d'une étoile, vous voyez des raies, plus faibles sont les raies et mineure est l'abondance des éléments de métaux. Ça, c'est la première stratégie. Et là, par exemple, nous avons utilisé largement les relevés américains de la Sloan Digital Sky Survey, qui nous donne des spectres à résolution environ 2000, qui est quand même suffisant pour sélectionner les étoiles très pauvres en métaux. D'accord, donc il y a les spectres que vous regardez pour déterminer ceux qui sont les plus pauvrement enrichis, oui. Les étoiles les plus pauvrement enrichies, les autres méthodes? Ensuite, une autre méthode qui était récemment revivée grâce au satellite Gaïa, qui nous donne de mouvements propres très précis. Vous allez chercher les étoiles qui ont une très grande vitesse. Alors là, c'est un peu, les résultats étaient un peu décevants, dans le sens qu'on a trouvé des étoiles pauvres en métaux, mais pas extrêmes. Donc à cinématique extrême, ça ne correspond pas à des étoiles qui sont extrêmes aussi en métallicité. Alors finalement, il y a une troisième méthode qui est celui qui est dans la survey pristine. Donc au lieu de faire un spectre d'une étoile, vous pouvez l'observer avec un filtre photométrique à bande étroite. Si le filtre est soigneusement choisi, sur un ray métallique qui vous donne une idée de la métallicité, et évidemment c'est tout le système est bien calibré. Vous pouvez avoir une estimation de la métallicité à partir de la photométrie. Ce filtre, expérimentalement, il est placé où exactement, sur les optiques de quel télescope? Voilà, là, dans ce cas-là, nous avons un groupe de scientifiques à demander au télescope Canada-France-Hawaï, télescope 3-6 à Mauna Kea, d'acheter un filtre de centré sur les raies H et K de calcium. Donc là, vous avez un avantage énorme, parce que sur le champ de vue d'un instrument tel que MegaCam, vous pouvez observer des centaines de milliers d'étoiles, alors que, comme avec Sloan par exemple, vous mettez des fibres, vous observez quelques étoiles, mais vous pouvez observer que quelques centaines de spectres. Alors là, vous avez une image, et donc vous voyez toutes les étoiles. Donc, vous avez une meilleure estimation de la métallicité sur un spectre. Par contre, avec les filtres à bande étroite, vous avez beaucoup plus d'étoiles. Ces étoiles qu'on appelle pristine 221, et ça, c'est une chose très importante, parce que ça nous permet de comprendre quels sont les mécanismes pour former ce type d'étoile. Voilà ce reportage à propos de cette étoile Priscine. Une réaction, Vanessa Hill, à ce que vous venez d'entendre? Oui, alors Pier Carlo Bonifacio décrivait effectivement les différentes routes qu'on a pour essayer d'identifier ces étoiles primitives dans notre Voie lactée. Donc il décrivait un peu les routes que j'avais évoquées un petit peu avant aussi. Il en ajoutait une qui était celle de la vitesse des étoiles, en notant que c'était pas extrêmement performant. En fait, c'est quelque chose qu'on a appris un peu au cours de ces dernières décennies. C'est que en effet, donc pour revenir à la toute première évocation de notre galaxie comme une pizza avec des bras spiraux, on sait depuis très longtemps que les populations stellaires les plus jeunes, donc les étoiles qui sont comme notre soleil et puis jusque vers à peu près 7 milliards d'années d'âge, se déplacent essentiellement dans un disque autour du centre galactique. Alors que quand on regarde en fait des étoiles qui sortent beaucoup du plan galactique et qui ont des orbites qui sont plus désordonnées autour de la Voie lactée et qui décrivent plus une patatoïde ou une sphère qu'un disque, sont des étoiles qui sont plus âgées, et donc on pouvait éventuellement espérer qu'avec des étoiles avec des orbites extrêmes, on trouverait beaucoup d'étoiles primitives chimiquement, c'est-à-dire qui seraient vraiment des témoins de l'univers primordial. Et effectivement, c'est pas du tout ce qui a été trouvé par Gaïa. En même temps, on pouvait s'en douter un petit peu. Parce que donc ces orbites-là, en fait, sont tenues par des étoiles qui sont non seulement de ces deuxième et troisième générations après les premières étoiles dans l'univers, mais il y a encore des étoiles qui ont ces orbites-là, en fait, jusqu'à des âges de, comme je vous disais, à peu près peut-être une dizaine de milliards d'années, quelque chose comme ça. Donc en fait, il y a vraiment un mélange entre des étoiles extrêmement primitives et puis des étoiles qui ont déjà bénéficié de beaucoup de générations précédentes qui les ont enrichies en éléments chimiques. Nicolas Martin, sur cette étoile Pristine, qui est pour le coup un vrai pas en avant, en tout cas une découverte vraiment intéressante en matière d'archéologie galactique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de plus? Oui, alors c'est une étoile qui a moins d'un 10 millième de fois la métallicité du Soleil. Ouais. Et donc on commence à rentrer dans ce régime qui devient très intéressant. Il y a à peu près 40-45 étoiles qu'on connaît dans ce régime-là. Et toutes les étoiles sont intéressantes, parce que si on va obtenir la carte d'identité chimique de ces étoiles, en fait, les modèles montrent que si c'est des étoiles de... Alors, je veux dire un chiffre 4e génération, 5e génération, c'est pas exactement, hein, mais s'il y a déjà quelques générations d'étoiles successives, alors les composés chimiques et les ratios entre différents éléments chimiques, le carbone, l'azote, l'oxygène, le calcium, le fer, etc., peuvent être assez proches de ce qu'on voit dans le Soleil. Et puis on a une étoile, il y a une étoile qui a été découverte par des collègues australiens, et c'est un peu ce qu'on cherche avec le relevé Pristine, hein, c'est ces étoiles exceptionnelles. Il y a cette étoile qui, par exemple, n'a pas le moindre signal de fer. Oui. Alors que le fer, c'est très commun dans les étoiles. Cette étoile-là, qui est une métallicité inférieure à un millionième de celle du Soleil, eh bien, les collègues ont passé 30 heures avec un télescope de 8 mètres, qui est à peu près le maximum qu'on peut faire à l'heure actuelle, et ne repèrent pas la moindre raie du fer. Oui. Alors qu'en même temps, il y a beaucoup de carbone. Et donc là, on a un ratio entre les éléments carbone, fer et d'autres éléments, qui est vraiment différent de ce qu'on voit dans le Soleil. Et on pense que cette étoile en particulier est peut-être effectivement l'étoile de deuxième, troisième génération, qui a été polluée par des éléments chimiques produits par une étoile très différente des générations successives qu'il y a eu dans l'univers. Et donc c'est un peu le Graal qu'on recherche avec le relevé Pristine. Mais c'est comme la recherche d'opale dans les mines, hein. Il faut y aller et il faut creuser. On finit par trouver un filon. Voilà, c'est intéressant parce que là j'ai un relevé. Alors on peut préciser déjà d'une que le fer, on trouve du fer absolument partout parce que c'est le moment où la nucléosynthèse stellaire s'arrête. À partir de là, les éléments au-dessus du fer sont créés par d'autres formes d'événements astrophysiques plus. Des supernovas, enfin bref, on va pas rentrer dans ce détail là. Il y a ce spectre de Pristine 221 qui est effectivement là que j'ai sous les yeux et qui est assez intéressant parce qu'on voit les lignes d'hydrogène et d'un seul coup juste une petite raie de calcium. Il y a vraiment la preuve spectrographique du fait qu'on est sur des étoiles très très anciennes. Comment on explique que ces étoiles là et cette durée de vie là, ce sont donc des étoiles plus petites? Ce sont des étoiles de masse inférieure à la masse du Soleil. Une étoile de masse de 80% de la masse du Soleil, en fait, peut survivre 13-14 milliards d'années. Donc c'est forcément ces étoiles, si on les observe et qu'elles ont effectivement été formées au cours du premier, disons, milliard d'années de l'âge de l'univers, ce sont forcément des étoiles de plus petite masse que celle du Soleil. Alors ça peut être bien, bien, bien plus petit, ça peut être des étoiles naines, mais dans beaucoup de cas, ce sont plutôt des étoiles géantes, parce que les étoiles géantes sont beaucoup plus brillantes et du coup on peut les trouver beaucoup plus loin que nous, dans des endroits où elles ressortent un peu du lot, parce que si on va essayer de retrouver des étoiles de ce type-là dans le disque de notre Voie lactée, qui est complètement dominé par les étoiles comme le Soleil, on verra rien. Ouais. Donc on va les chercher un peu à l'extérieur, et effectivement, Pristine 221, c'est assez fascinant, on voit ce continu, et dès qu'il y a un élément, on va avoir une petite raie d'absorption, et on voit des raies d'hydrogène, c'est classique, et si on regardait le Soleil, on aurait des raies partout, et ouais, on n'a quasiment pas de raies. En fait. Là, il y a la comparaison des deux, on va peut-être essayer de vous retrouver le document qui compare justement Pristine 221 avec les raies du Soleil. On voit évidemment la différence est absolument flagrante. Un mot sur ces relevés Pristine, Vanessa Hill? C'est effectivement le Graal qu'on cherche. Ce sont ces étoiles pour lesquelles les signatures spectrales sont à la fois beaucoup beaucoup plus faibles que dans le Soleil et qui ont effectivement des signatures qui sont très diverses. C'est-à-dire que quand on regarde donc la quarantaine d'étoiles qu'on connaît avec des métallicités, donc des contenus en métaux de moins qu'un dix millième que le Soleil, en fait non seulement elles sont différentes du Soleil, mais elles sont aussi différentes les unes des autres. Ce qui nous permet d'entrer vraiment dans le régime où on va pouvoir sonder, on est vraiment dans ces étoiles qui sont de deuxième, troisième, quatrième génération, avec des signatures spectrales qui sont vraiment uniques de l'environnement dans lequel elles se sont formées. Et c'est vraiment ça qu'on cherche, quoi, effectivement. Le Graal absolu, est-ce qu'il est envisageable d'imaginer de trouver à un moment donné, de tomber avec les outils d'aujourd'hui ou avec les futurs outils dont on va parler dans un instant, sur une étoile de première génération, ou ça c'est du fantasme de science-fiction, Nicolas Martin? Et il y a des modèles qui commencent à dire que c'est peut-être possible. Alors, encore une fois, on retombe sur des modèles qui valent ce qu'ils valent. C'est-à-dire que les gens passent énormément de travail dessus, mais tant qu'on peut pas vraiment le contraindre avec des observations, ça reste spéculatif. Mais certains modèles commencent à montrer, parce que c'est de la physique très compliquée. Là, on est en train de parler de la dynamique des fluides, dans des gaz, dans des conditions assez extraordinaires avec des températures très élevées. Récemment, il y a des articles qui commencent à sortir en disant peut-être qu'il pourrait y avoir des étoiles de de population 3, ces toutes premières étoiles, de 0,8 masse solaire, qui est un peu grave, puisque 0,8 masse solaire, c'est la masse maximale qu'on peut avoir pour avoir survécu 14 milliards d'années, ou quasiment 14 milliards d'années. Donc c'est possible, c'est tout ce qu'on espère un peu, hein, on espère tous, en faisant un relevé comme Pristine, à terme, trouver une de ces étoiles extraordinaires. Je pense que l'attente de la communauté, c'est plutôt que c'est hors d'atteinte, ça, et qu'il faut se contenter des étoiles de deuxième, troisième génération, mais qui encodent, en fait, ce que les étoiles de première génération ont créé. Pour parler un peu de ce que vous évoquiez l'un et l'autre, notamment de l'histoire et de ce que l'archéologie galactique nous dit de l'histoire de notre galaxie Vanessa Hill, aujourd'hui, on sait que la Voie lactée s'est formée par accrétion, par orgie, pour reprendre la métaphore de ma camarade Sophie Becherel, entre autres galaxies. On a découvert d'ailleurs, je crois, assez récemment le fait que la galaxie du Sagittaire avait été absorbée et continuait finalement, qu'on était encore dans les résonances finalement de cette absorption de cette galaxie naine par la Voie lactée. Oui, alors tout à fait. Donc la galaxie du Sagittaire, c'est probablement celle qui est la plus proche de nous, puisqu'elle est environ à 25 kiloparsecs, c'est-à-dire en années-lumière, quelque chose comme 80 000 années-lumière ou quelque chose comme ça. Et on voit encore le cœur de cette galaxie qui est visible, disons, sur le ciel en tant qu'une entité. Et on voit aussi le courant d'étoiles qui a été arraché par notre propre galaxie au cours des orbites de cette orgie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà depuis le milieu des années 90, puisque c'est un de nos petits camarades, Rodrigo Ibata, qui a découvert l'existence de cette galaxie. Et en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui avec Gaïa, c'est que non seulement cette galaxie s'est fait déchirer par la nôtre et donc lui a donné toute une partie de ses étoiles, mais très probablement aussi, elle a eu un impact relativement majeur sur la façon dont les étoiles qui étaient déjà en place dans le disque galactique au moment de cette accrétion se déplacent. Et donc, en fait, on voit des effets sur les orbites des étoiles qui ne sont plus vraiment à l'équilibre parce qu'elles ont été dérangées par l'action gravitationnelle de cette nouvelle galaxie qui est arrivée dessus. Nicolas Martin, sur cette accrétion entre la galaxie du Sagittaire et la Voie lactée? Oui, alors tout à fait, la pizza, pour qu'on continue avec la métaphore et faire on va aller jusqu'au bout. Hein. La pizza, elle est en train d'onduler, en fait. la pizza vibre. Voilà, exactement. Surtout sur ces bords où il y a moins de matière, sur les bords de notre galaxie, il y a moins de matière, il y a moins d'étoiles, il y a plus d'étoiles au centre, il y en a moins sur les bords. Et du coup, les bords sont plus sensibles à tout effet de perturbation. Et le fait que la galaxie du Sagittaire, elle vienne, entre guillemets, taper le disque. Alors, je veux bien être clair, hein, on tape jamais rien hein, au niveau. C'est du vide. C'est du vide, mais par contre, la gravité d'une galaxie même en grande partie détruite, est quand même importante et toutes les étoiles qui sont dans cette partie externe du disque vont sentir et vont être tirées vers le bas et puis après la force de rappel du disque va les faire rebondir et donc on va avoir cet effet d'ondulation sur les bords de la Voie lactée et pendant depuis 20 ans à peu près on voit ces structures au bord de notre Voie lactée, ces structures stellaires et on se demande ce que c'est. Pendant longtemps on a pensé que c'était d'autres traces de galaxies naines accrétées et qu'on a envoyé les courants de cette galaxie naine et au lieu d'être accrétées perpendiculaires au disque comme la galaxie du Sagittaire, ça aurait été des galaxies accrétées dans le plan du disque par les bords, pardon. Et en fait, Gaïa nous a montré que ça semble pas être le cas. Et les comparaisons avec des modèles de l'impact de la galaxie du Sagittaire sur notre Voie lactée montrent que c'est possible que ce soit ça. Ou alors, en allant un peu plus loin, que ce soit la galaxie, les nuages de Magellan, qui sont plus loin mais beaucoup plus massives, qui pourraient aussi être en train de tirer le disque vers le bas et le disque réagirait. Et sans Gaïa, on pourrait pas voir ça parce qu'on pourrait pas voir les étoiles se déplacer comme on a pu le voir au cours des dernières années grâce à ce satellite. Et comme vous l'expliquiez avec l'effet de parallaxe au début de cette émission. Autre chose que je trouvais assez intéressante dans on change un peu de domaine pour conclure cette émission, c'est la recherche des sœurs jumelles du Soleil puisque évidemment le Soleil n'est pas né tout seul de rien, il s'est créé dans un nuage de gaz. D'autres étoiles ont été créées dans ce même nuage de gaz, mais les étoiles ont bougé, bien du fait justement des différents mouvements de la galaxie, de l'histoire de la galaxie. Comment on fait aujourd'hui pour détecter ces sœurs jumelles du Soleil, Nicolas Martin? Eh bien, finalement, c'est pas très éloigné de ce qu'on racontait avec Pristine ou avec Gaïa plus avant là, avec Pierre Carlo et Vanessa. On va chercher déjà par leurs propriétés de couleur des étoiles qui vont être assez proches de la couleur que l'on connaît pour le Soleil. Alors, le problème, c'est qu'il y en a plein. Et après, on va obtenir un spectre pour avoir la composition chimique de cette étoile-là, essayer de trouver des étoiles qui sont vraiment ce qu'on appelle les sœurs jumelles du Soleil. Alors, je ne sais pas combien exactement il y en a de connues, sans doute plusieurs douzaines. Mais l'intérêt, c'est d'essayer de voir si on peut retracer leur orbite vers un point de création, là où auraient pu se créer les étoiles, notre Soleil avec ses sœurs. Là où ça devient difficile, c'est qu'en fait, tout effet de perturbation, que ce soit la barre de la Voie lactée qui tourne et qui est un peu comme un batteur dans notre Voie lactée, ou des perturbations externes comme la galaxie naine du Sagittaire, vont avoir tendance à faire que les étoiles vont par moment ne pas suivre une orbite très gentille circulaire comme à l'heure actuelle notre Soleil suit autour de la Voie lactée, mais par moment il y aura un choc et tout d'un coup le rayon va changer. Mmh. Et donc ça va noyer complètement, ça va diluer les groupes d'étoiles créés en même temps, ça va les diluer sur un grand rayon autour de la Voie lactée, ce qui rend très difficile leur recherche. C'est-à-dire que pour qu'on comprenne bien, l'endroit où nous situons dans le bras d'Orion, c'est le bras d'Orion, c'est ça? Non, de la Voie lactée. Vanessa Hill, c'est le bras d'Orion. Non, c'est le bras d'Orion, je crois. Bon, bref, peu importe. On va vérifier. Le Soleil, en tout cas, n'est pas à l'endroit où il s'est créé. Il a bougé, de même que ses sœurs jumelles. Il y en a une qui s'appelle, qu'on identifie, qui s'appelle HD 186-302, qui est, je crois, une centaine d'années-lumière du Soleil. C'est ça, Vanessa Hill? Oui, je suis pas spécialement familière de cette jumelle-là particulièrement, mais oui, on en trouve, et comme disait Nicolas, en fait, on en trouve... 186 années-lumière, oui, c'est ça. Pardon, je vérifie dans mes notes. Donc, on en trouve, en fait, dans le voisinage immédiat du Soleil, donc comme celle-ci, par exemple, à 180 années-lumière, c'est vraiment le voisinage très immédiat du Soleil, mais on peut en trouver aussi beaucoup plus loin, qui auraient pu se former en même temps que le Soleil, mais dont les mouvements particuliers, en fait, font qu'aujourd'hui, elles ne se trouvent pas forcément dans le voisinage immédiat du Soleil. Et peut-être je peux ajouter quelque chose à propos des... Alors il y a une des choses qui est assez intéressante actuellement dans les recherches autour des jumelles solaires. Donc vous voyez bien que des jumelles solaires, on les définit en fait chimiquement, c'est-à-dire on les définit comme leur carte d'identité chimique. Et en fait parmi ces étoiles-là, il se trouve qu'il va y en avoir certaines qui ont été suivies pour essayer de trouver des exoplanètes autour. Et d'autres qui n'ont pas été suivies qui ont été suivies, mais dont certaines ont des exoplanètes autour et certaines autres n'ont pas d'exoplanètes autour. Et autour donc de cette recherche sur les jumelles solaires, on commence à essayer d'avoir des cartes d'identité chimiques qui pourraient être liées en fait aux présences de planètes dans un système solaire autour de ces étoiles qui ne sont pas le Soleil. Donc c'est aussi une ligne de recherche très intéressante pour comprendre en fait comment est-ce que la composition chimique détaillée et précise de l'étoile centrale est impactée ou pas, ou impacte ou pas la présence d'un système solaire autour. Et de disques planétaires. Ce serait une super émission à faire d'ailleurs, peut-être pour la prochaine saison de la méthode scientifique sur les jumelles du Soleil. Un mot pour conclure, Nicolas Martin. Donc Gaïa, n'est plus en activité. Si, justement, encore. C'est ça que je voulais rajouter. Voilà, Gaïa a été rallongée. En fait, on a merci l'ESA qui a décidé de rallonger la mission Gaïa qui devait faire 5 ans et qui maintenant va faire 10 ans. Donc, d'accord, encore en train de tourner. Et puis surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'analyse des données, elles sont tellement complexes qu'en fait, il faut des dizaines, des centaines d'astronomes qui travaillent dessus pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour avoir les résultats. Donc, on va encore avoir des résultats avec Gaïa à l'horizon 2028, sans doute. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous parler d'archéologie spatiale. Merci beaucoup, Vanessa Hill. Merci, Nicolas Martin, on se retrouve dans la citadelle bientôt. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard, la réalisation, Audrey Guély, la technique. Demain, c'est la première étape de notre bouquet final de cette saison 5 de la méthode scientifique. 3 émissions consacrées à la science-fiction. On commence donc demain, en ce mois des fiertés, par une plongée dans l'univers de la SF queer. Comment dépasser un genre qui a souvent été assimilé à des aventures viriles d'explorateurs musculeux, séduisants de plantureuses femmes extraterrestres. Vous verrez qu'il y a plein d'autres options bien plus amusantes. Demain, on en parle, notamment avec l'autrice Sabrina Calvo. Grand Prix de l'Imaginaire 2018 sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.